Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Nicolas Bokov, dissident, SDF, écrivain russe incomparable. Le visage de Vania rappelait d'une manière indécente celui du jeune Vladimir Ulianov. La forme tataro-mongole des yeux, les pommettes, les cils dufteux. Bref, il était tout le portrait de l'autre, le grand, celui qui avait suivi une autre voie. C'est un extrait de la tête de Lénine. Nous avons été nombreux en France au début des années 1970 à lire ce samizdat, texte clandestin venu d'Union soviétique et qui était parvenu à Paris à Maurice Nadeau, qu'il avait publié le premier dans sa maison d'édition Les Lettres Nouvelles. On y imaginait, je dis on parce que l'auteur était anonyme à l'époque, on y avait imaginé que dans le mausolée de la Place Rouge, la tête de Lénine avait été séparée de son corps. Et alors du coup, une lame de fond s'était levée sur l'appareil communiste soviétique. Le pays tout entier avait été bouleversé. Cette tête de Lénine, c'était un texte aussi hilarant que dévastateur. À l'époque, l'auteur n'était pas connu. On l'a identifié quand il va s'installer en France. C'était un ancien étudiant qui avait été expulsé de l'université de Saint-Pétersbourg pour son mauvais comportement idéologique. On disait à l'époque Leningrad, c'était la ville tête de l'Union soviétique. Cet étudiant s'appelait Nicolas Bokov. À Paris, il a commencé un parcours d'émigré politique classique, assez impécunieux. C'est une habitude chez lui, on le verra. Dans les petites maisons d'édition et les bulletins de l'émigration russe, c'était l'époque où on redécouvrait sa devancière des années 1920, Nina Berberova. Mais Bokov était fait d'un autre bois, celui de la croix. Bientôt, le voilà, pèlerin russe, parti sur les routes jusqu'au mont Athos à pied et en Terre Sainte à pied toujours. Et il en revint, renforcé dans sa foi, mais alors là, sans plus aucune ressource, littéralement sans abri. On le retrouve en 1998 dans un livre que préface l'abbé Pierre, et qui est consacré à son expérience de SDF dans la rue à Paris. Il va récidiver ensuite en vivant plusieurs années dans une manière de caverne dans la région parisienne. Il aimait d'ailleurs se désigner comme un ermite, et pas seulement comme un pèlerin russe. Sauf que cette grotte était parcourue de tant de vapeurs mauvaises qu'il dut la quitter pour l'hôpital. Et au printemps 2017, nous l'avons retrouvé, logé maintenant sous un toit, avec le même regard bleu et bienveillant. Il publiait de nouveau, abondamment, chez Noir sur Blanc et dans une toute petite maison qu'il avait intitulée « La Caverne ». Le Matricule des Anges, cette même année 2017, c'est une revue dont le titre est fait pour lui, avait écrit « Nicolas Bokov a connu le très bas et le très haut ». Il est mort, enfin il aurait dit qu'il était passé à la vie, en décembre 2019. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Bonjour Nicolas Bokov. Bonjour Jean Lebrun. Alors dites-moi, on va commencer en évoquant le temps où à 25 ans vous étiez étudiant, vous avez été à l'université de Moscou en 1970, c'était l'époque du centenaire de la naissance de Lénine. Si ça n'avait pas été aussi cruel ce moment-là, ça aurait été assez drôle. Absolument, c'était drôle d'ailleurs, puisque la pensée russe, la pensée du peuple travaillait déjà cette image et essayait d'éplucher l'image officielle. Ce n'était plus une colosse, c'était une colosse au pied d'argile, en quelque sorte. Le peuple s'amusait. Mais vous trouviez évidemment l'idéologie de cette époque étouffante. Et vous cherchiez à l'université à trouver les textes pas facile à décrocher des meilleurs écrivains russes et puis aussi de ceux qui avaient fondé des courants esthétiques qui vous intéressaient dans la littérature étrangère. C'était l'instinct public en quelque sorte. Les gens voulaient lire des vrais livres, les gens voulaient savoir des vraies nouvelles. Alors il y a une sorte de système très amorphe qui s'est fait qu'on appelle le samizdat, c'est-à-dire les gens fabriquaient des exemplaires des livres et des textes chez eux, sans contrôle de la censure, et puis donnaient à ceux qu'il aimait, à ses amis. Ça fonctionnait ainsi. Des copies dactylographiées. Des copies dactylographiées, des microfilms, des textes faits en photo aussi. Voilà, c'était très simple. Vous rééditez chez Noir sur Blanc la tête de Lénine avec une préface où vous dites, après quelques pages très sérieuses sur la description du climat soviétique de l'époque, il est temps de raconter des histoires drôles. Le train à moitié vide roulait vers Golokolamsk, une ville à 5 km de Moscou. Ça veut dire ville nue ou ville ouverte. Les quelques voyageurs, comme on se l'imagine, somnolés, ébahis, promenant un regard morne sur le paysage enneigé de février. Ils sursautèrent en entendant les portes s'ouvrir à l'extrémité du wagon. Les contrôleurs entrèrent en faisant cliqueter leur composteur. « Vos papiers ?» dit l'un d'eux, gros, débonnaire, la moustache en épi. Vania Tchimotanov était en infraction. Un instant décontenancé, et s'étant prêt à lâcher un billet de 3 roubles. Mais il eut une meilleure idée. Il ouvrit la fermeture claire de sa valise et, fixant les yeux bleus du gros contrôleur, il lui fit signe d'approcher. Le gros pinça les lèvres d'un air hautain et se pencha vers Vania. Tchimotanov se leva le couvercle. Sur un lit de coton meuleux, reposé, figé dans un éternel sommeil, une tête. Une tête, la tête de Lénine, lecture par Nicolas Bokov de ce texte qui a circulé anonymement à partir de 1970 et qui se voulait une histoire drôle. Donc la tête de Lénine avait été découpée de la momie ? Oh oui. Et cette histoire voulait aussi être subversive, bien sûr. Saper l'idole officielle du parti. Je pense que c'était aussi l'idée que ce régime qui était artificiel, qui était fondé sur un complexe des idées, il avait un fondement qui était justement le fondateur du régime soviétique. Donc, il fallait l'attaquer pour essayer d'ébranler le régime même. Et couper la tête de Lénine, la promener dans une valise sur un lit de coton, ça provoque l'émoi du Politburo qui se demande comment la population qui vient faire des processions devant le corps, devant la momie, dans le mausolée, va réagir à l'absence de la tête. Et ça a provoqué vraiment un tumulte, ça a provoqué même une sorte de coup d'État. Il y en avait des rivalités qui sont entrées en jeu. Les généraux qui ont commencé une guerre pour le fauteuil du dictateur. Et ici, à mon avis, il y avait une sorte de pressentiment de ce qui se passait beaucoup plus tard. C'est-à-dire après Perestroïka, au moment où on a commencé à se battre pour le pouvoir réel d'aujourd'hui. Ce texte avait été précédé d'un autre, Nikto, traduit en français, lui aussi. Il est suivi du Rire après minuit, c'est disponible aux éditions de la Caverne. Tout ça, ça fait un ensemble qui n'a rien à voir avec la littérature officielle de l'époque. Absolument. Quand même, ces ouvrages n'étaient pas uniques, puisque vous savez qu'il y en avait des ouvrages très sérieux, par exemple de Solzhenitsyn, qui ont commencé à circuler déjà, et qui, le roman dans le premier cercle a été écrit. Mais c'était des romans, bien sûr, sérieux. Ce qui manquait, c'est de ridiculiser un peu le régime. Puisque finalement, ce qui est sérieux, ça fait peur. Mais ce qui est ridicule, ça fait rire. On n'a pas plus peur. On est guéri de l'angoisse. On est guéri de la peur. Peut-être une histoire drôle encore, il en faut à jet régulier. Elle concerne la postface. Elle est signée d'un auteur alors connu. Absolument, c'était donc un auteur, je ne sais pas s'il faut le dire son nom, pourquoi pas, Kochetov, oui. Qui était l'auteur des romans 100% du réalisme socialiste, et même mieux, c'était 100% communiste de l'époque, et c'était une sorte d'écrivain officiel. officiel très à la mode et très soutenu par le parti. C'était leur Solzhenitsyn. Mais c'est pas lui qui a écrit la postface. C'est vous qui avez imaginé qu'il aurait pu écrire la postface. Finalement, on s'amusait aussi d'attribuer la tête de Lénine à ces piliers du régime. Disant que ce qui se passait, c'était une crise cardiaque qu'il a eue. Il a eu une sorte de conversion. Il a compris le vrai sens de l'histoire. Vous dites qu'il faudrait un musée du communisme, Nicolas Bokov. Ah ça, il faut le faire, absolument. Et j'ai eu un projet qui s'est réalisé en partie. Vous savez, dans ce petit livre, Le rire après minuit, il y a une passage, il y a un projet d'un parc de monuments détrônés, et où on ramène, après la décomposition de l'État soviétique, les sculptures et les monuments des chefs du parti et de l'État. Et vous savez, quand je suis revenu à Paris, j'étais tout à fait étonné d'apprendre que c'est vrai, il y a un parc de monuments détrônés à côté de Moscou. D'abord, c'était vraiment des statues et des monuments ramenés en vrac, mais peu à peu, on a aménagé les choses, et le point central de ce parc est devenu la statue de Dzerzhinsky, qui est fondateur du KGB, de la police secrète soviétique. Mais il faudrait davantage que des sculptures, que des monuments, il faudrait pouvoir pénétrer dans l'intérieur des écoles, dans le décor des maisons, sentir l'odeur. Sentir l'odeur et même goûter la nourriture. J'ai entendu parler d'un musée pareil, d'un restaurant soviétique dans un pays balte. Donc, il y avait aussi des organismes de café du genre nostalgie. Il y avait aussi des musées du genre goulag où on pouvait goûter le régime soviétique. Et il y en a, c'est vraiment très étonnant ces régimes. Il y en a qui ont de la nostalgie, qui étaient les geôliers. Et vous savez, les prisonniers aussi, ils ont leur nostalgie à eux. Alors, parfois, visiter le passé, c'est amusant, Jean Lebrun, vous le savez. Oui, mais votre œuvre, ça c'est Manuel Pénin qui vous a consacré une thèse, est toujours marquée par la circulation libre d'un couloir du temps à l'autre. On verrait peut-être dans ce musée des vieux vinyles, celui de Vladimir Vysotsky, 1977. Vous étiez passé à l'Occident, comme on disait, 2 ans auparavant. Dans tous les cabarets sans fond, où je m'enterre chaque nuit, je suis l'empereur des bouffons, le frère de n'importe qui. Je vais vomir mon repentir au pied de tabernacle. Mais comment prier dans la fumée de l'encens des diacres? Rien ne va plus, rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme doit, et comme un vieux loup dans les bois, en fuyant le pire, je suis resté tout seul avec moi, près de les montagnes où l'on respire. C'est là que je voulais trouver un air nouveau, plus haut, mais qui reconnaît un vrai sapin d'un faux sapin. Rien ne va, plus rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme droit. Nicolas Bokov, Vysotsky. Ah oui, est-ce que vous avez ressenti sa tristesse profonde dans sa voix, dans son texte, dans sa façon de chanter? Et c'est vrai, c'était une époque très triste. Pour commencer avec le vêtement, la rue de Moscou n'avait pas comme seule couleur, c'était gris, gris-noir. Les manteaux d'hiver, c'était la tristesse. on n'attendait même pas. C'était le pays d'un espoir mort. Et vous savez que l'espoir meurt les dernières. Alors, bien sûr, on était parfois joyeux à cause de notre âge, à cause de notre jeunesse, à cause de nos blagues. Mais au fond, on n'attendait pas grand-chose. Il y a une phrase extraordinaire de vous. De quelles entrailles gigantesques sont nées autant de visages d'enfants semblables? C'est quand même une phrase très compliquée. Si vous pourriez me l'expliquer, j'en ai pas. Dites-moi, on vous a laissé, inventant une promenade à la tête de Lénine. Et puis on va vous retrouver pissant sur une statue de Lénine? Vous savez, j'étais licencié de l'université en 72, 11 ou 12. Mais à cause d'autre chose, c'était vraiment à cause d'un garçon qui essayait de passer à l'Ouest. Et nous avons mené des conversations dans sa chambre à hostel de l'université. Et nous ne savions pas que nous étions écoutés. Donc après, il essayait de partir à l'Ouest, il était arrêté. Il a écopé 8 ans de prison et moi j'étais licencié. Donc je me trouvais sur une liste noire. Et alors j'étais obligé de partir. Pour me faire oublier, je suis allé au nord, à Petrozavodsk, et je continuais sur la mer Blanche. À Kandalaksha, j'ai été arrêté par la police et accusé d'avoir justement uriné sur le monument de Lénine. Olivier. Et alors, je me trouvais en garde à vue et je commençais à me poser des questions. Si ce n'était pas quelque chose de fatidique ou peut-être c'est une allusion du destin qui me dit que voilà, je suis arrivé à mon honoraire pour avoir écrit ce livre et après j'aurai 2 ans de prison. Bon, par le jeu des circonstances, j'ai été libéré, j'ai essayé, j'ai parti tout de suite de la ville de Kandalaksha et finalement je retournais à Moscou. Donc le destin a eu pitié de moi. Néanmoins, vous choisissez de partir en 1975, Vienne d'abord, Paris ensuite, où vous travaillez à la Pensée Russe. Oh, oui. Sur la montagne Sainte-Geneviève, vous parlez en russe, vous êtes dans le milieu russe. C'est à ce moment-là. Je vais passer là une archive qui raconte un de vos exploits médiatiques que Robert Laffont publie sous votre nom La tête de Lénine, avec une préface de Zinoviev, alors très célèbre, et que vous êtes invité à Apostrophe. Alors voilà, Nicolas Bokov, en juillet 1982, le titre de l'émission c'est « Vous ne respectez donc rien ». Il y a Topor, Philippe Alexandre, d'autres, et un Bokov avec son chapeau et qui tente une sorte de performance. Moi, j'étais un peu heurté par le titre de l'émission. Oui. Vous ne respectez donc rien. Oui. Alors, qu'est-ce que vous respectez? Vous voulez une réponse sincère? Ah oui, bien sûr. Je voudrais quand même montrer d'abord le danger de votre titre, si vous permettez. Oui. Moi, je n'ai pas lu les livres d'autres participants, car est-ce que je respecte, si je prends le titre à la lettre, donc je ne respecte vraiment rien. Je voudrais poser une question à tous les participants. Le fait que je n'ai pas lu vos livres, c'est désagréable, agréable. Non. Vous en foutez. Non. Non, Roland. Tant qu'il s'arrête. Ça te touche quand même. Tu peux le lire cet été. Ah. Allez au café Panique et mettez-vous dans un coin, vous lisez. Je peux le raconter. Non, c'est pas parce qu'on les a pas lus aujourd'hui qu'il ne faut pas les lire demain. Oui. Non, c'est pas. Non, je mentis, Bernard Pivot. Oui. J'ai lu les livres. Les événements de 82, il y en a d'autres beaucoup plus importants pour vous. C'est vrai, mais quand même, non, c'était important. C'était un contact direct avec le média et puis avec le public aussi. D'ailleurs, ça m'a impressionné terriblement. Vous savez que l'apostrophe était très populaire à l'époque. Et le lendemain, les gens commençaient à me reconnaître dans la rue. Ça provoquait une énorme panique chez moi. Je n'étais plus un inconnu dans la foule. Et ça, c'était une expérience nouvelle. Ça m'a fait peur. Oui, mais quelques années plus tard, vous êtes SDF dans la rue. Plus personne ne vous reconnaît comme l'auteur d'Apostrophe, parce qu'en 1982, se sont passées beaucoup de choses déterminantes. La nouvelle que votre fille Marie restera handicapée, pauvre enfant muet, dites-vous. La séparation d'avec K, sa mère. La conversion, avant Apostrophe, en Allemagne. Oui, ça se passait, vous savez, l'essentiel de ma conversion, c'est une connaissance que nous ne sommes pas morts définitivement au moment de notre mort. Donc, c'était l'ouverture de la vie après la mort, si vous voulez. Et cette angoisse que j'ai portée, ou peut-être tout le monde le porte en soi, l'angoisse de la disparition sans trace, cette mort qui nous détruit complètement, il était anéanti, cette angoisse-là. Je n'en avais plus peur. Alors, dans cette perspective, et d'ailleurs j'aime beaucoup ce sujet de la perspective qui permet de voir plus loin, les choses devant moi, les choses terrestres, ont diminué en quelque sorte. Vous avez cru tenir Dieu dans votre main ou dans votre poche, mais, dites-vous, c'est Dieu qui me tenait dans la sienne, parce que il vous a réservé beaucoup d'aventures. Vous êtes parti sur les chemins, vous êtes devenu pèlerin, Jérusalem, la Turquie, le mont Athos, et au retour à Paris, sans rien, la rue. Oui, c'était un voyage, un pèlerinage, un voyage d'apprentissage, comme je disais. L'importance du pèlerinage psychologique est que vous commencez chaque jour, chaque matin, votre chemin. Vous n'y retournez jamais. Chaque jour, vous continuez. Donc, cette sensation psychologique d'un cercle que nous connaissons tous dans la vie normale, n'est-ce pas, après le bureau, après votre travail, vous retournez chez vous, ou vous passerez par restaurant ou ailleurs, mais finalement, c'est toujours le cercle que vous connaissez très bien depuis des années. Ici, ce cercle est coupé, le cercle qui est devenu vicieux en quelque sorte, le banal, la routine, il est coupé et vous continuez chaque jour. Chaque jour, vous êtes dans la nouveauté. C'est ça, si vous voulez, le professeur le plus important dans cette université. Et cela a duré pendant 2 ans. Alors ça change aussi. Mais à Paris, quand vous êtes dans la rue, vous arrive de penser que vous êtes dans une spirale infernale. Le jour où, au Sacré-Cœur qui vous est cher, vous priez, et le sac où sont vos notes, vos textes, votre Bible, votre sac de couchage disparaît, vous avez le sentiment d'être accablé. Et dépouillé en même temps, puisque finalement j'étais privé de tout. J'étais privé de mon sac à dos, et surtout j'étais privé de mon projet, qui était déjà mûr, d'écrire un livre. Un livre, si vous voulez, théologique. Et ma lecture et ma connaissance de la Bible. Voilà. Alors il y avait des choses intéressantes, je crois. Mais en même temps, c'était déjà une autre perspective que Dieu ne voulait peut-être pas. Il voulait vraiment un mendiant. Il voulait un type nu qui sanglote dans le broussail. Et c'est qu'il a obtenu. Vous savez, d'abord, je voulais dire que la rue, c'est une autre forme d'ascèse, n'est-ce pas? Et il continue en quelque sorte le chemin du pèlerin. Puisque chaque jour, si vous êtes dans la rue, vous savez que peut-être vous allez dormir ou vous avez dormi la nuit précédente. Mais il y a tant de circonstances qui changent votre projet. Et alors ça devient inattendu. Le contenu de la vie dans la rue, c'est l'inattendu. On n'attend pas, voilà. D'un coup, vous n'avez rien à manger. Il y a un bon samaritain qui vous donne à manger. D'un coup, il pleut et vous êtes obligé de vous trouver un autre endroit que d'habitude. Il y a tant de choses que vous n'y prévoyez pas, et surtout, bien sûr, le regard des gens, les rencontres aussi. Et puis, c'est le temps d'une attente. Une attente très, très forte. Et vous attendez, vous allez dans la rue, et c'est Dieu qui va à votre rencontre. n'est-ce pas? C'est ça l'attente, le contenu de cette vie-là. Vous attendez toujours, et l'attente devient quelquefois insupportable. Il y a un personnage qui est une sorte d'ermite dans un autre de vos livres où vous parlez de votre séjour après la rue, dans une caverne, dans l'est de Paris. Qu'est-ce que c'est cette caverne d'ailleurs ? C'était une véritable caverne. Il s'agit de, vous savez, des carrières abandonnées. Et donc, les carrières qui se trouvent d'ailleurs à 17 kilomètres de Paris, à la proximité de Gagny, c'est une ville de Gagny, c'est 15, 20, 30 kilomètres des lieux qui ne sont pas exploitables à cause des lignes de haute tension, puis il y a une forêt de Montfermeil louée par une club de chasse, il y a des champs de fermiers, etc. Alors vous voyez, c'est vraiment un espace libre qui est menacé, mais qui est protégé en même temps. Et j'ai trouvé là-bas une caverne, une grotte, si vous voulez, une grotte. Je n'ai jamais eu dans ma vie un espace si bon pour vivre. C'était peut-être 100 mètres cubes, vous savez, 150 mètres cubes, c'était énorme. Où j'ai aménagé un lieu pour y dormir, pour vivre. Dans à l'est de Paris, je lis ceci. Quand l'ermite ressent un appel, il s'éloigne dans les galeries souterraines. C'est un peu long, mais vous serez attentif, hein, Nicolas Bokov. C'est vous qui l'avez écrit. Il resta assis, mettant ses mains sur les genoux. Les dernières pensées disparurent. Il sourit à celle qui était la dernière, comme à une ancienne connaissance. Ainsi demeura-t-il dans les ténèbres, n'ayant besoin de rien. Pourtant, il avait toujours besoin de quelqu'un. Un sentiment délicieux, frôlant le bonheur, l'envahissait peu à peu, celui de demeurer immobile dans le noir silencieux, comme un prélude à une chose extraordinaire apparut un appel tel pour lequel la vie valait la peine d'être vécue. Il attendit, et se figea donc cette attente qui devenait de plus en plus douce et fraîche. Et oui, voilà, c'est l'expérience réelle que j'ai décrite ici. Et j'attendais, bien sûr, étant dans la pénombre, que cette pénombre s'ouvre et c'est la lumière que Dieu qui arrive, qui va m'éclairer et qui va me finalement prendre chez soi. Voilà, c'était ma disposition à ce moment-là. Et j'attendais ces moments peut-être pendant 6 ans. Et au bout des 6 ans, j'ai tombé malade, tout simplement. Oui, mais vous avez repris l'écriture de plus en plus. Oui, mais après ces 6 ans, il y avait un hôpital où j'étais, où je me passais un moment à la réanimation. C'était à cause des mauvaises heures de ma caverne. Voilà, finalement, on a dit que c'était empoisonnement avec le dioxine. Peut-être c'était vrai. Mais, vous savez, il y avait aussi un signe de destin, puisque dans cette réanimation, dans cette salle, il y avait un instituteur jeune, plus jeune que moi, qui était mort la nuit même de mon arrivée. Et alors je me suis dit que le destin m'a fait signe. C'est non, tu ne vas pas mourir encore. Il y a encore quelqu'un qui va le faire à ta place. Et alors je savais que j'allais vivre et qu'il fallait vivre autrement maintenant. La page a tourné. Il y a dans Un récit d'éternité, où vous racontez votre départ vers la mer Blanche, un personnage qui s'appelle Théodore, je crois. Et il y a cette phrase qui peut servir de conclusion. Théodore a une radio, là où il vous loge, mais il ne l'écoute plus. Et vous écrivez ceci, la radio a sa vie, et j'ai la mienne. Mais nous devons être dans le cercle, nous, le cercle vicieux. Merci à vous, Nicolas Bokov. Cette émission était préparée par Ilinka Negulesco, avec à la réalisation Lise Combe, à la technique Élise Christophe.